je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de revenir à Versailles, et cette fois pour vous parler donc de François Ier et de Charles Quint à travers l'écriture de l'histoire du XVIIe siècle. Alors là, c'est un autre point de vue que celui qui vient d'être évoqué maintenant, une autre façon d'approcher ce couple. Les historiographes du XVIIe siècle n'ont pas été indifférents, loin de là, à ces deux grandes figures du siècle précédent, et les ont même appréhendées avec passion. Alors, à reprendre l'ensemble des écrits historiques consacrés à ces deux princes au XVIIe siècle, Charles Quint et François Ier, là encore, forment un binôme inséparable chez les écrivains français, dont je me propose ici de retenir quelques noms. Pierre Mathieu, Jacques de Charon, Scipion Duplex, Mézeray, François de la Motte-Levaillé, Georges de Scudéry, René de Sérisier, Duverdier ou encore Varia. Alors, François Ier et Charles Quint firent dans ce cadre-là l'objet de plusieurs portraits parallèles. Pierre Mathieu, pour commencer, leur consacra quelques pages dans sa posthume Histoire de France de 1631, en traitant François Ier assez mal d'ailleurs, ainsi que l'empereur. Scipion Duplex en fit de même à la fin de son chapitre sur François Ier dans les années 1620. Et enfin, en 1685, Varia, dans son Histoire de François Ier, a consacré tout son 13e livre à une histoire comparée des deux règnes qui reprend là les stéréotypes de l'historiographie française. Alors, il s'agit de voir ici comment le couple François Ier-Charles Quint s'inscrit dans le XVIIe siècle français, ainsi que la représentation que ce siècle se fit de ces deux monarques en fonction des contextes et des attentes. Cette présentation s'appuiera sur trois moments de l'historiographie. Le premier concerne globalement la première moitié du XVIIe siècle, qui a commencé avec la nouvelle dynastie des Bourbons, de même que cette période correspond à un temps fort de l'hispanophobie, au nom de laquelle Charles Quint ne peut être qu'une figure ennemie. Dans un second temps, celui des années 1640, qui chevauche en partie le premier, la naissance du dauphin et futur Louis XIV crée les conditions d'un apaisement de l'hispanophobie et est l'occasion de portraits plus nuancés de Charles Quint, en particulier dans le cadre de l'éducation du prince. Enfin, le troisième et dernier moment est celui du règne personnel de Louis XIV, pour lequel je m'arrêterai avant tout sur l'œuvre d'Antoine Varia, qui permet d'éclairer l'équation François Ier-Charles Quint à la lumière des attendus de la politique de Louis XIV. Alors, l'historiographie française rencontre dans un premier temps du progrès de la monarchie française avec le changement dynastique. L'historiographie prend alors un accent bourbonien très fort, en critiquant à la fois le Valois et le Habsbourg. En effet, l'équation François Ier-Charles Quint devient sous le règne d'Henri IV et sous la plume de l'historiographe Pierre Mathieu le moment de dresser un bilan et de tourner la page d'une confrontation ancienne absolument désastreuse pour la religion. Pierre Mathieu se montre alors très critique à l'égard de François Ier et de Charles Quint, contribuant ainsi à perpétuer certains lieux communs dont le principal est, je cite, « l'ambition déréglée de ces deux monarques ». Alors l'ambition du roi de France et de l'empereur fut particulièrement dénoncée en raison des guerres cruelles évidemment engendrées par elle, et Scipion Duplex, dans les années 1620, écrit au sujet de François Ier qu'il a, je cite, « brigué l'Empire avec plus d'ambition que de prudence ». On retrouve ce lieu commun jusque chez Antoine Varia en 1685, en passant par François II de Mézeray, qui souligne dans le portrait toutefois très beau de ce prince, François Ier, que son ambition fut un peu déréglée, ainsi que chez Duverdier en 1651, dans son abrégé, qui résume ainsi l'enjeu décisif de cette confrontation. L'ambition, écrit-il, les porta tous deux à la couronne impériale. Charles l'emporta par-dessus François, ce fut assez pour les rendre ennemis autant qu'ils vécurent. Alors l'idée sous-jacente est bien de dénoncer le tempérament belliqueux de ces deux princes, poussés à la guerre par orgueil et esprit de convoitise, faisant ainsi preuve d'une imprudence coupable aux yeux du XVIIe siècle, siècle de la raison d'État. Alors l'historiographie continue au-delà de 1735 et donc de la guerre avec l'Espagne, de dénoncer paradoxalement les guerres engendrées par la rivalité entre François Ier et Charles Quint. Toutefois, la dénonciation des guerres du 1er et 16e siècle est surtout l'occasion de révéler la vraie nature politique de l'empereur. De sorte que si l'ambition déréglée de François Ier l'accable une bonne fois pour toutes. En revanche, il est peu l'objet de critiques réitérées, contrairement à Charles Quint, dont le caractère est révélé par les faits eux-mêmes, et en particulier ceux de l'élection impériale en 1519, de la détention du roi de France en 1525 suivi du traité de Madrid, du sac de Rome en 1527 et de la mort du dauphin François en 1536. Alors pour commencer, l'élection impériale de 1519 est le plus souvent présentée comme une victoire de Charles obtenue par la force et quoi qu'il en soit comme la source de tous les maux à venir, ainsi que l'écrit René de Sérisy en 1648. François, écrit-il, ne laissa pas d'offenser Charles, déjà assez porté à notre ruine par les intérêts de Naples, de Milan, de Bourgogne et de Navarre, funeste germe de cruelle guerre que ces deux grands princes vont commencer. Alors, l'autre événement majeur souligné par l'historiographie, c'est l'affaire du Milanais et du désastre de Pavie, qui fut l'occasion de la détention du roi et du traité de Madrid en janvier 1526, dont les clauses furent unanimement jugées comme étant, je cite, « déraisonnables », ainsi qu'une injure faite aux vertus du roi de France, évidemment pour mieux justifier ensuite ses manœuvres et souligner l'esprit de convoitise de l'empereur pour récupérer la Bourgogne. Ensuite, le retour du roi de France et la constitution de la Ligue de Cognac déclenchèrent une nouvelle guerre, cette fois marquée en 1527 par le sac de Rome. Et sur ce sujet, l'historiographie française est unanime, jugeant l'acte abominable. La fausse piété de Charles Quint, enfin dévoilée au grand jour, et qui révèle son insolence, tandis que François Ier, dont la religion est grande, devient le libérateur du pape. Mais quand même, François Ier est de plus en plus victime de la puissance de Charles Quint, et reçoit en 1536 ce qui fut sans doute le coup le plus terrible, la mort de son fils. L'historiographie s'emploie sur cette affaire à disposer toutes les pièces du procès et d'évoquer la responsabilité possible de l'empereur, même si, comme le soulignent plusieurs historiographes, la chose est impensable. Sérisy écrit à ce propos en 1648 « Mais ce crime est si noir que je m'estimerais coupable d'avoir la moindre pensée qu'un si grand et si glorieux empereur y eût contribué. » La chose est impensable, mais quand même, tout le monde y pense. Les événements suivants sont l'occasion pour les historiographes de prouver la vanité de l'empereur. Surtout après la victoire de Tunis et son accueil triomphal en Italie, où il reçut, selon Pierre Mathieu, je le cite, « les louanges immodérées et les applaudissements de la flatterie italienne » qui avait rempli les oreilles de la cervelle de Charles, le nommant le très grand, l'Africain, l'invincible, l'empereur de l'univers, de telle sorte qu'il résolut de conquérir la France en commençant par la Provence. Alors pour répondre au problème du cartel, pour les historiographes français, c'est justement parce que cette victoire de Tunis lui avait enflé la tête que voilà, il s'était cru capable de provoquer le roi de France en duel. Alors en effet, alors cette même année 1536, François Ier envahit la Savoie, Charles rompt la paix, mais évidemment pour les historiographes, non pas pour soutenir son allié de Savoie, mais pour servir sa seule ambition déréglée, de nouveau dénoncée, et que ses tentatives de paix ne sont que piperies. Les historiographes, pour cette affaire et celle de l'assassinat des ambassadeurs de François Ier en 1541, mettent en avant le caractère dissimulateur de Charles Quint. La dissimulation de l'empereur est ainsi un autre lieu commun important de cette historiographie, de même que sa responsabilité dans la convocation du Concile de Trente ne lui vaut aucune louange, sinon la critique d'un règne plein d'ambition, de vanité et de dissimulation. Alors si l'historiographie française reconnaît à Charles son caractère héroïque et en fait un capitaine, à l'instar de François Ier, en revanche, il n'apparaît pas comme le zélateur de l'honneur de Dieu, en dépit des guerres contre les princes protestants et les barbaresques. C'est une façon de nier, au XVIIe siècle, les prétentions hispaniques à la monarchie universelle, comme le fit François de Lamothe Levaillé en 1640 dans l'instruction à Monseigneur le Dauphin. Si les Espagnols, écrit-il, étaient capables de fonder une monarchie universelle, ce que nous avons fait voir ailleurs n'être pas de leur portée, ni du génie d'une nation haïe de toutes celles de la terre. Alors donc, non seulement l'empereur ne peut prétendre à la monarchie universelle, mais surtout, il est en grande partie responsable de la montée de la réforme en Europe. Avec François Ier, écrit Pierre Mathieu, l'ambition et la jalousie leur représentaient les intérêts de la terre plus considérables que ceux du ciel. Et Pierre Mathieu écrit aussi à propos du roi de France, il lui fut impossible de tenir l'épée d'une main pour combattre ses ennemis et la truelle de l'autre pour rebâtir le temple de Dieu, la guerre l'obligeant à d'autres pensées que celles de la religion. Alors, il ressort de ce contexte et de cette historiographie bourbonienne deux portraits assez ambivalents de François Ier et de Charles Quint. Si on considère les portraits établis par Pierre Mathieu, Scipion Duplex et François Eudes de Mézeray pour cette première moitié du XVIIe siècle, on a affaire à des portraits exemplaires, propres à édifier un futur gouvernant. En effet, Pierre Mathieu écrit « Les fautes que l'on remarque en la vie de François Ier ne sont point pour blâmer sa mémoire, mais pour instruire sa postérité et en tirer des préceptes pour bien régner. Ses manquements, les manquements de François Ier, comme son intempérance et sa faiblesse devant les femmes qui l'ont trop souvent gouverné, sont alors des vices du temps et à ce titre pourraient être excusables, mais pas son opiniâtreté qui fut cause de tant de ruines. » Alors, au-delà de ses défauts, François tout de même est dit affable, ouvert, plein de candeur, d'intégrité, de loyauté et de franchise, et courageux. Il est dit savant, fin d'esprit et éloquent, étant unanimement célébré pour avoir été le restaurateur des lettres, lieu commun très important de cette historiographie. Il fut aussi, ce qui est souligné dans les histoires, un grand bâtisseur et donc un mécène des arts, alors que l'empereur, d'après Mézeray, de ce point de vue, a été plutôt médiocre. Ainsi, François est grand et fort, exercé aux armes, quand l'empereur, quoique bien fait, est plus petit et davantage un homme de gouvernement, du conseil, dont il a une intelligence certaine d'après Scipion Duplex. Et nous voilà donc aux vertus de l'empereur, qui sont en effet celles de l'homme de cabinet. Selon Duplex, je le cite, « prudence, intelligence des affaires politiques et conduite d'une monarchie ». Mais cette vertu-là annonce aussi son principal vice, qui est la dissimulation. Alors, fin politique, Charles Quint se composa en effet un visage à la hauteur de ses ambitions. Majestueux, mais dont le port et les gestes, en fait, étaient composés et donc artificieux. En plus de quoi, il apparaît arrogant, orgueilleux, secret, taciturne et aussi perfide, mais en tout, maître de sa politique et de son entourage. Charles Quint ne retient donc l'attention que pour ses actions politiques et sa façon de gouverner. L'historiographie de la première moitié du XVIIe siècle se montre très critique à l'égard de Charles et reprend les lieux communs d'une hispanophobie bien rodée qui remonte évidemment à cette période d'affrontement entre François Ier et Charles Quint, mais dont le discours se fit plus systématique et stéréotypé dès les années 1590 pour s'enflammer ensuite à l'occasion de l'assassinat d'Henri IV ou encore dans le contexte de la guerre franco-espagnole à partir de 1635. Mais au-delà de la capacité de ces histoires de France à souligner les vices et les vertus de ces deux princes, ces portraits avaient aussi une vocation pédagogique, fonctionnant comme des exemplats. Et de ce point de vue, le portrait de Charles Quint fut autrement plus exemplaire que celui de François Ier. Alors, cela est parfaitement remarquable à l'échelle de l'éducation de Louis XIV. Au moment d'établir quelle pouvait être la galerie des ancêtres du Bourbon pour sa propre instruction, cherchant à y trouver des figures exemplaires, point de François Ier, ni d'aucun autre Valois, ou très rarement comme chez la mode de Levallier. Ce fut bien pourtant dans l'histoire de France que Louis XIV forgea son imaginaire de gloire et son rêve de grandeur. Il appréciait particulièrement l'histoire de France de François Eudes de Mézeray, que son valet de chambre Laporte lui lisait, et par cette histoire, le jeune Louis fut surtout impressionné par la figure tutélaire d'Henri IV, à laquelle Ardoin de Péréfix, le précepteur, consacra une biographie. Quant aux Habsbourg de Madrid, dont Louis XIV était le descendant direct, et donc plus proche génétiquement d'eux qu'il ne l'était des Valois, ils restaient les ennemis héréditaires de la France. De fait, lorsque la critique l'épargne, Charles Quint est mis en avant dans cette éducation, non pas comme un parent, mais comme une grande figure que l'on expose en miroir à la manière d'Évite Plutarque. Alors, malgré l'antipathie pour ce héros impérial, il n'en fut pas moins reconnu comme l'un des plus grands personnages du siècle précédent, susceptibles de contribuer à l'édification de l'imaginaire de gloire du jeune roi. Charles Quint fut donc élevé au rang des grandes figures héroïques, entre autres par Georges de Scudéry dans ses discours politiques en 1647. L'héroïsme de l'empereur y est comparé à la grandeur héroïque des empereurs romains et de l'élection impériale de 1519 à Pavie, évidemment, Charles a été préféré à François, premier lieu commun de cette étude. Et ce furent surtout le sac de Rome et la politique... Donc, je disais... Le sac de Rome, voilà, c'était le châtiment. C'était le châtiment. Le sac de Rome, la politique héroïque de l'empereur contre les Turcs, donc tout cela est salué par Georges de Scudéry, et les protestants, donc toutes ces luttes ont fait de lui le bouclier de toute la chrétienté, faisant, je cite, « triompher l'aigle romaine en des lieux où elle n'avait jamais paru depuis la défaite d'Hannibal et la victoire de Scipion ». Et donc, Scudéry met en avant, à travers le discours de Charles Quint, le caractère messianique de l'empereur, le plus souvent, et même toujours, négligé dans l'historiographie. Cependant, derrière l'éloge, assez évident, se profile toutefois une certaine réserve, car en 1647, la France, encore en guerre contre Philippe IV, demeure largement hispanophobe et anti-habsbourgeoise. Scudéry ne vénère en Charles Quint qu'une figure propre à édifier et non un gouvernant, autrefois ennemi du royaume de France. Après la naissance du dauphin en 1638 et pressé de servir à son éducation, les contempteurs de l'Espagne eurent recours à ce genre de subtils artifices pour ménager les parents espagnols du roi, mais sans défaillir à leur hispanophobie. Alors, la mode Levallée illustre parfaitement cette ambivalence, puisque, après avoir diffamé les Espagnols en 1638, dans sa critique de l'histoire de Prudencio de Sandoval, il se fit beaucoup plus nuancé après la naissance du dauphin, en lui adressant un miroir des princes dans lequel Charles Quint apparaît parfois pour faire l'objet d'une leçon. Alors, on peut considérer de ce point de vue que l'historiographie française au XVIIe siècle a bien été ambivalente, en condamnant l'ambition de l'empereur, tout en élevant ses vertus et son art de gouverner. Donc la nouvelle dynastie, celle des Bourbons, a beaucoup à apprendre des vices et des vertus des deux héros de la Renaissance. Et de ce point de vue, l'historiographie de la seconde moitié du XVIIe siècle, surtout marquée par l'œuvre prolixe d'Antoine Varilla, tend à reprendre l'équation François Ier Charles Quint pour mettre en avant la part utile des héritages. Ceux de François Ier de Charles Quint, aux sources du modèle politique Louis XIVien, et dans le même temps mettre aussi en avant le nécessaire dépassement du modèle espagnol en reprenant les lieux communs de l'hispanophobie. Alors Antoine Varilla, historiographe à la carrière très irrégulière, dont la plupart des ouvrages furent publiés au début des années 1680 et qui connurent aussi un succès très éphémère, fut l'auteur le plus abondant sur les Valois, et la maison d'Autriche, se montrant très critique à l'égard de Charles Quint. Alors, par exemple, dans La politique de la maison d'Autriche, publiée une première fois en 1658, mais qui est vraiment l'ouvrage le plus critique à l'égard de Charles Quint et des Habsbourg en général, Varilla commence par feindre la critique. Et oui, parce que dans sa préface, il fait un éloge du gouvernement de Philippe II, de ses conseils et de l'œuvre de centralisation administrative avec la fixation de la cour à Madrid. Et par cette valeur reconnue de la grandeur du gouvernement des Habsbourg, Varilla donc entame les préliminaires sur le ton de la neutralité qui, évidemment, selon lui, exige la vertu historique. Mais derrière l'éloge, là encore, les camps sont dessinés et les Habsbourg ne sont autres que les ennemis de toujours. La suite de cette histoire se partage donc entre la reconnaissance très limitée de leurs grandes actions et le dénigrement par les accusations, je cite, « d'intrigue de Charles Quint et le rabaissement de l'Empire ». Le portrait qu'il dresse de Charles Quint est accablant. L'empereur est félon, fourbe, donc sans parole, lâche, dissimulé, œuvrant plus pour son ambition que pour la religion. Il est un grand dissimulateur en tout et Varilla est ici fidèle à la tradition historiographique. Alors, il a composé cette histoire durant le temps fort de l'opposition entre la France et l'Espagne, temps fort annonçant déjà le vainqueur à quelques mois de la paix des Pyrénées. Et Charles Quint n'est plus alors que le représentant prestigieux d'une maison vaincue Et Varia, à la suite des autres historiographes, oppose à cette image de grandeur le bilan très négatif d'un règne qui a échoué. Il était ainsi fréquemment reproché à Charles Quint d'avoir échoué contre les princes protestants de l'Empire et contre les infidèles par faiblesse et inaction. Si bien que le héros, puisqu'il en est un, est une figure propre à éclairer celle autant héroïque de François Ier, son adversaire. C'est ainsi qu'Antoine Varilla a consacré, dans sa publication de 1685, le 13e livre de son François Ier à une comparaison des deux rivaux. Il paraissait alors d'une extrême importance d'éclairer la vie du roi de France en le comparant à son adversaire. Mais derrière ce parallèle des deux héros du siècle passé, Varilla ne cherche qu'une seule chose, c'est faire l'éloge de Louis XIV. Ainsi, ce roi, en écrasant les Génois, Louis XIV, a réparé l'injure faite autrefois à François. Alors, Varilla fonde ensuite historiquement la supériorité de la monarchie française, puisque la comparaison sert à la démystification de Charles Quint, et donc à celle de l'Empire des Habsbourg. Pour rétablir l'honneur de François Ier, rien de tel que de rabaisser l'Empire et de ne plus le craindre à la façon de ceux qui le croyaient invincible. Il serait en effet déshonorant de craindre un empereur inférieur à son ennemi français, dont la conduite, certes parfois irrégulière, je cite, n'approche pas des vices de Charles Quint, qu'ils élèvent pourtant au-dessus de tous les empereurs depuis Charlemagne. Toutefois, sur la politique de la maison d'Autriche, à laquelle Varilla consacra un ouvrage, l'historiographe reconnaît la valeur de leur gouvernement, le meilleur qui soit, puisqu'il repose sur les conseils. Au fond, c'est l'art de gouverner des Habsbourg qui est retenu comme étant leur principale vertu, susceptible là aussi d'éclairer l'idéologie royale française. Le contrôle de la noblesse par la faveur, dont Charles Quint fut un expert, la centralisation renforcée à partir de Philippe II, les conseils et le choix de bons conseillers, et là, Charles Quint a bien dépassé son rival François, et surtout la pratique du secret, et donc de la dissimulation qui passe désormais sous la plume de Varilla pour un élément de grandeur, puisqu'elle a contribué à la réussite autrefois de cette maison. Sur le plan de la pratique politique, les Habsbourg l'emportent, et sont dignes d'une leçon. Mais Charles Quint ne peut égaler le Valois, porteur des vertus royales françaises. La principale et celle qui fait le plus écho, sous le règne de Louis XIV, c'est la défense de la foi catholique. Varilla souligne en effet, dans son double portrait, la fermeté de François Ier à l'égard des hérétiques, en faisant élever des bûchers, quand Charles Quint laisse l'hérésie s'enraciner dans les pays germaniques, jusqu'à la reconnaître en 1555. Et il n'est que Philippe II, pour racheter les fautes du père et devenir dès lors, selon Varilla, un modèle pour Louis XIV dans le contexte de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, jusqu'à revendiquer la parenté avec le Habsbourg. Cependant, chez Antoine Varilla, l'hispanophobie l'emporte toujours, jusqu'à déprécier l'hérédité de Charles Quint et dénoncer le sang d'Espagne corrompu par la folie de la mère, un Ferdinand le catholique parjure et d'autres ancêtres dénaturés. La probité des ancêtres douteuses de Charles Quint donne d'autant plus d'éclat à la grandeur de la race de Capet. Et en ces années 1680, qui ont consacré l'hégémonie française, les ouvrages de Varilla évoquent la filiation avec les Espagnols tout en critiquant ces derniers, mais sans l'ambiguïté des discours pour l'éducation du dauphin des années 1640. Du prince. Le ton de l'historiographe faisait alors écho au programme iconographique de la Galerie des Glaces, qui fut achevé dans le même temps, et dont les tableaux de Lebrun ont le goût évocateur de la victoire, avec le lion espagnol qui apparaît soumis à la France armée, ou encore cet aigle impérial foudroyé par un éclair du roi, tandis que les colonnes d'Hercule se sont effondrées et que la devise de l'empereur plus outre s'est détachée. Il s'agissait bien d'exprimer cette volonté de dépasser le modèle espagnol hérité de Charles Quint et d'en récupérer la symbolique. Pour conclure alors sur la réception du couple François Ier-Charles Quint dans l'historiographie française au XVIIe siècle, il apparaît que celle-ci se fonde sur quelques lieux communs illustrés par des faits historiques, comme l'élection impériale, le traité de Madrid, le sac de Rome et la mort du dauphin principalement. Ces lieux communs nourrissent un héritage de l'antagonisme, symbolisée par le double portrait des deux héros de la Renaissance. Ce fut le grand contre le petit, le preux chevalier contre l'homme de cabinet, le politique dissimulateur, un grand prince de la Renaissance contre un ambitieux dont la grandeur est seulement calculée et cérémonieuse, l'homme de foi contre le calculateur dont la piété est feinte, à en juger le sac de Rome. C'est en tout la franchise, l'honnêteté contre l'artifice. Pour le moins, Charles Quint n'a pas laissé donc le grand siècle indifférent et la critique semble l'emporter de façon constante, mais avec quelques nuances donc cependant en fonction des contextes, comme ceux de l'éducation de Louis XIV et de la révocation de l'édit de Nantes. D'une hispanophobie assumée à une hispanophobie plus dissimulée à la fin du XVIIe siècle, les discours sur François Ier et Charles Quint furent le plus souvent ambivalents pour servir dans un premier temps la cause du progrès de la monarchie française et contribuer ensuite, semble-t-il, à la perfection du modèle louis XIVien. Je vous remercie.